Les chasseurs de nazis. Chapitre 6. La méthode Klarsfeld. Premier épisode. Dans la nuit de la rentrée des classes, le 30 septembre 1943, les soldats allemands encerclent le pâté de maison où se trouve notre immeuble à Nice. Les projecteurs des camions s'allument et la chasse aux juifs, appartement par appartement, débute. Elle est dirigée par Alois Brunner et son commando de SS autrichiens qui ont pénétré le 8 septembre dans Nice, où les militaires italiens protégeaient les juifs jusque-là contre toute arrestation. En 2003, Serge Klarsfeld publie avec l'aide de la journaliste Anne Vidali une anthologie des articles parus dans l'Express entre les années 60 et 90. Une anthologie intitulée « La traque des criminels nazis ». La préface, signée par Serge Klarsfeld, commence par ce titre « Un crime presque parfait ». Il nous était impossible de quitter la ville dont les accès étaient bloqués et placés sous contrôle policier, à commencer par les gares. Brunner a mené à Nice les rafles les plus brutales de l'Europe occidentale. Vérification soudaine d'identité dans les rues avec des habillages des hommes suspectés d'être juifs et chaque nuit, des opérations comme celles que nous subissons. Mon père a pris la précaution de créer un double fond dans un placard profond afin d'y cacher ma mère, ma sœur et moi. Lui-même a prévu de se sacrifier pour ouvrir la porte aux Allemands et éviter ainsi une fouille violente qui mènerait immanquablement à notre découverte, tant notre protection est fragile. La sauvagerie à laquelle nous assistons cette nuit-là nous plonge, ma sœur et moi, dans le silence et l'immobilité les plus complets. On frappe à notre porte. « Ouvrez, police allemande !» Mon père obéit, sinon la porte serait enfoncée. Tout de suite, l'Allemand demande en français « Où sont votre femme et vos enfants ?» Mon père répond que nous sommes à la campagne parce que l'appartement vient d'être désinfecté. Les Allemands entament la fouille, l'un d'eux ouvre la porte du placard, rabat les vêtements qui se trouvent sur la tringle, mais ne touche pas le mur du fond, qui est en réalité une mince cloison de bois. Serge Klarsfeld, vous avez consacré de nombreuses années de votre vie à trouver les criminels nazis, pour les conduire ensuite devant la justice. Mais est-ce que, comme un Abba Kovner en son temps, vous avez été un temps, un jour animé par le sentiment de vengeance ? La vengeance est quelque chose de décevant, c'est un acte de désespoir, la vengeance. La justice, elle est possible, donc il faut essayer d'obtenir justice. Vengeance, c'est un règlement de compte, la vengeance. On peut considérer que la vengeance est nécessaire à partir du moment où tous les efforts pour atteindre la justice ont été inopérants. Donc on ne peut pas laisser une société qui défend des criminels, on ne peut pas la laisser tranquille. Et donc, on peut envisager, à partir du moment où elle a dit non au jugement des criminels, on peut envisager un acte de désespoir tel qu'un règlement de compte. Pour nous, la vengeance, c'était surtout d'obtenir la victoire de la justice. Ça, c'était une véritable vengeance. L'Allemagne de l'Ouest a jugé dans les années 50 les petits criminels, c'est-à-dire les criminels qui, par exemple, avaient tué quelqu'un dans la rue, puis il y avait deux juifs qui l'ont observé et 10 ans après, ils ont témoigné, leur témoignage était concordant, l'un habite à Tel Aviv, l'autre habite en Allemagne ou en France, mais leur témoignage concorde, eh bien ils le jugeaient, ils le condamnaient même à des peines très lourdes. C'était un petit criminel de la basse société, le tueur, le... L'Allemagne de l'Ouest ne voulait pas juger les hauts responsables, c'est-à-dire les gens qui avaient reçu une excellente éducation, qui avaient les barrières morales qui leur permettaient de ne pas faire justement ce qu'on leur demandait de faire et qui était inhumain. Et ceux-là, on ne voulait pas les juger. Obliger une société à faire ce qu'elle ne veut pas et obliger les enfants des criminels ou la génération des enfants des criminels a jugé et a condamné des hommes qui n'ont rien fait d'illégal dans la nouvelle société qui était la société démocratique ouest allemande, bah, c'était beaucoup plus difficile que de tuer un criminel. Tuer un criminel n'était pas difficile. J'en ai apporté la preuve à Cologne, en plein centre de Cologne, en 1973, alors que Lichka était notre cible numéro un, que nous réclamions son jugement, que c'était un colosse par rapport à moi, qu'il était armé d'un Colt avec port d'armes. Eh bien, je l'ai abordé après l'avoir attendu à la porte de son bureau, au moment où il allait prendre sa voiture. J'ai surgi avec un revolver, je lui ai mis sur le front, et il n'a rien pu faire, il faisait froid, il n'a pas pu tirer son revolver. Tentative d'interview de Kurt Lichka en pleine rue à Cologne par une équipe de la BBC en 1979. Avez-vous peur, monsieur Lichka ? Non. Pourquoi vous cachez-vous le visage ? Je ne veux pas être filmé. On dit que vous avez tué des milliers de juifs. Vous sentez-vous coupable ? Absolument pas. J'avais écrit une lettre au président du tribunal en lui disant « Voilà, un acte de désespoir est toujours possible, nous vous prouvons qu'il est possible et je vous demande de réclamer aux députés du Parlement allemand qu'ils votent la ratification de l'accord de la convention judiciaire franco-allemande qui permettrait le jugement de criminels comme Lichka. » Et nous avons mené au moins une vingtaine d'actions comme ça en Allemagne, retentissantes, répétitives, briser la façade vitrée du bureau de Lichka, une semaine après qu'elle soit rétablie, la rebriser de nouveau, le jour du procès de ceux qui avaient brisé cette façade, la rebriser une troisième fois. C'était violent et en même temps c'était pas violent. Et pendant ce temps-là, bon, les policiers, eux, étaient violents. Donc la violence s'abattait sur nous et nos amis. Nous et nos amis, on allait en prison et les criminels restaient libres et impunis. Et on pouvait pas nous garder en prison longtemps. Donc l'opinion internationale s'est émue, l'opinion allemande s'est émue, les médias allemands ont été de notre côté en général. Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote. Beate Klarsfeld. Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire, ces devoirs sont propres à tous les Allemands. Et c'est le point important, c'est étant donné que nous sommes tous des héritiers de l'Allemagne et qu'il y a des hommes comme Goethe, Schiller, Beethoven, ce qui est merveilleux, mais qu'il y a aussi des hommes comme Hitler, Eichmann, eh bien, il faut donc assumer ses responsabilités. Envisager la violence, c'était seulement si on n'avait pas obtenu la ratification de cet accord par le Parlement allemand qui représente la société politique allemande, et si on n'avait pas obtenu ensuite de la justice allemande qu'elle applique la convention judiciaire et qu'elle juge les plus importants de ces criminels. Donc c'est un long chemin, mais c'est parce qu'on était ensemble, justement, une Allemande, un Juif, Beate a fait ce qu'elle a fait pour l'Allemagne, moi j'ai fait ce que j'ai fait pour les Juifs et pour la France. C'est vrai qu'on a mis fin au contentieux qui existait entre la France et l'Allemagne. On a pavé le chemin d'une meilleure relation entre les deux pays. Et que, bon, on n'a pas cessé de militer jusqu'encore aujourd'hui. On milite alors. Mais normalement, on aurait pu rester un couple normal dans des professions normales. Et on aurait eu moins que ce qu'on a eu en nous engageant. Donc on est très content d'avoir pris cette décision, et pour nous et pour les autres. Est-ce que Serge et vous êtes des héros ? On est des combattants. Si les gens veulent nous considérer comme des héros, tant mieux. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.